Bienvenue à une autre édition de Web Music. Vous êtes avec Simon Roy et ce pour la prochaine heure. Donc, merci d'être au rendez-vous. C'est toujours très apprécié. Cette semaine, comme à l'habitude, un peu de musique en téléchargement gratuit. Donc, absolument tout ce que vous entendez ce soir à l'émission, vous pouvez télécharger de façon gratuite et légale. Vous avez juste à vous rendre au www.webmusic.ca. Pour l'instant, la playlist n'est pas encore disponible. J'ai eu un petit contretemps, donc ça va être disponible plus tard en soirée ou ce lundi matin. Donc, on va débuter sans plus attendre avec Jed Rabid. Je vous fais entendre sa pièce Death Cola. Ça va être suivi par Genova 7 avec sa pièce Materia Drift Genova 7 qui est publiée sur l'excellente étiquette Dusted Wax Kingdom. Donc, c'est ça. On débute Web Music avec Jed Rabid. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL 89.1. On vient tout juste d'entendre Genova 7, donc c'est une pièce tirée de son album The Sounds of Sector 7. La pièce s'intitule Materia Drift. Avant ça, on avait débuté Web Musique avec Jed Rabid, c'était sa pièce Death Cola. On poursuit avec À la claire ensemble, je les adore, plein d'albums en téléchargement gratuit donc de la part d'À la claire ensemble. Je vais vous faire passer leur pièce East Coast, West Coast. Ensuite, c'est Smuts 4 avec la pièce Pyrexial Visions. Vous allez voir, vraiment excellent. On écoute tout de suite À la claire ensemble. split la facture à mille. Après y'en a un petit panique, c'est pour te dire assure. Mais t'es comme des p'tites à grippe avec le piment dans la lettre. Ben oui c'est pique quand ça split. Qui s'en vient de bille, puis si j'ai moi split en cafanil. Yeah, juste balade en famille avec le castor domestiqué. J'ai pas payé les permis, mais me dire mon gars m'a expliqué qu'au pire c'est 20 chill. C'est pas 20 chill, pas 20 grammes piastres. T'en veux une corche, j'ai botté 25 à chaque. Ça craque, pas prêt pour me pousser, pas je suis bien dans place. Mais oui, comme juste après le placing, t'as les seins d'en face. Du 8% non pasteurisé dans tous les bons bébés, non, mon canadien. Y'a plus à peine qui se cache dans ta cour, faudrait qu'ils attrapent un avant qu'ils s'accroupent. Y'en a 45 et chillé dans le sein. Check un match, check un match, prêt, prêt, prêt, prêt, prêt, prêt, prêt, prêt. Hey yo, quand je parle d'alcool, là je parle pas fort, baby. Chaque fois que tu me dis, il reste encore du fureur, baby. Faut pas que je bang, mais ta baby comme une pause, baby. Ça fait chier ta dépanneuse, t'as ta pause, baby. Hier soir, baby, j'étais au parc en train de naviguer devant un coucher de soleil rose comme un fort, baby. Tout ce qui est debout qui pond du et c'est sort, heavy. On fait juste pratiquer, demande pas c'est quoi le score, baby. On est sorti prêt des cavernes, chippé de raide sur le vaisseau. Te reconnais pas ton histoire, baby. Son joint l'arrêt répété, le pièce de dehors, baby. Priez plus fort, le pasteur veut son nouveau char, baby. Oh, baby, life is real comme des légumes dans le ville. On est après la fin du monde, tu sais pas déjà, baby. Ici, va en dessous du règne, la vieille princesse Liz. La ruche est endormie, quand dure, les abeilles font le bis. Baby, éjecte les autres félins. Fais ton chute sur un bras de série. T'as vu l'eau, puis après t'as vu l'eau tirer. À la table, alléluia, hot, des cannes, puis d'autres. Toutes les choses en trop, puis tout. Du music, tu joues, du beau boubou. Toutes nos pitots, tout tout. Bina qui leur vient à l'ombre. Vous de gros doudou, Mac, nounou. C'est fat, ce que tu jases, tu te craques tout coup. Passe, puis tu tasses, c'est mauvais sort, puis you. T.I. devient T.O. puis tu brasses, puis loup. Filou, tu sauves des flics, filou. Rien for you, Hey yo. On vient tout juste d'entendre Black Daylight avec la pièce Skylands. C'était précédé par Smuts 4 avec la pièce Pyrexial Visions. Et enfin, on avait débuté ce bloc-là avec À la claire ensemble et la pièce East Coast, West Coast. On poursuit avec Dust Motes, un virtuose des tables tournantes. Je vous fais entendre sa pièce Vaya, c'est featuring Jared Smith. Ensuite de ça, un groupe assez spécial, un duo Fields of Ohio. Ils se servent de vieux enregistrements des années 20-30 du vieux jazz. Donc, ils mélangent avec un peu de musique électronique. Ça fait un mélange merveilleux. Je vous fais entendre leur pièce Reminiscent of Factories. Vous allez voir, vraiment surprenant.

C'était Option Command à Web Music avec la pièce Recoil. C'était précédé par Sick Rat qui est publié sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom. C'était sa pièce Don't Be Blue. On poursuit donc avec Dynasty. Je vous fais entendre sa pièce 4 MHz. Ça va être suivi par Radazzle. C'est la pièce Pondu Doo. Vous allez voir deux pièces excellentes à Web Music. Take that. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre Rattles avec la pièce Ponder Do. Avant ça, c'était Dynasty avec la pièce 4 MHz. On poursuit l'émission avec Carsten Plumpf, c'est sa pièce Coil Up Swedish Pony Riding, vous allez voir, assez surprenant. C'est tiré de la compilation Circuit Imprimé volume 3. Ensuite de ça, c'est DJ Mantos avec sa pièce Drifting Away. Donc on écoute tout de suite Carsten Plumpf. C'était l'excellent DJ Mantos avec sa pièce Drifting Away. C'est tiré de son album Abstract Reality. Avant ça, sur la compilation Circuit Imprimé Volume 3, c'était Karsten Plum avec sa pièce Coil Up Swedish Pony Riding. Donc, ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous invite, comme à l'habitude, à visiter la page de l'émission pour avoir la playlist et pouvoir télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Rendez-vous au www.webmusic.ca. Vous avez tout ce qu'il vous faut sur la page pour télécharger les pièces. On va se quitter sur deux dernières pièces, une certainement, deux si on a un peu de temps. Donc avant ça, je vous rappelle de rester à l'écoute, c'est l'émission Cabaret Diaspora qui suit tout de suite après. C'est avec Jean-Baptiste Hervé, toujours de la bonne musique à Cabaret Diaspora. Donc restez à l'écoute de CKRL, encore plein de bonne musique toute la soirée, toute la nuit et pour toujours. Donc on se quitte sur probablement deux pièces, la première par Fruit, c'est un beatmaker de Montréal. Je vais entendre sa pièce Bard Rendez-vous. Ensuite de ça, c'est Sum, S-U-M, donc, qui fait un remix de Super Mario. Vous allez voir, assez intéressant. Donc, on se quitte tout de suite sur Fruit. Puis, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h pour notre émission de Web Music. Téléchargez Web Music sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Téléchargez Web Music sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL HD. Une radio haute décibel. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du blues avec le légendaire Eric Burdon. Is when he's on the drum. Leader du groupe The Animals dans les années 60 et de la formation californienne War dans les années 70, le chanteur britannique nous présente son nouvel album Till Your River Runs Dry ainsi que ses grands succès.